Il suffit d'un sourire pour que l'âme entre dans le palais des rêves. Victor Hugo. Je suis émerveillé par cette photo. Cette photo exprime les valeurs de la société du Sénégal. Premièrement, la société sénégalaise est liée à l'hospitalité, au partage et à la solidarité. Aussi, les Sénégalais ne sont pas seulement amicaux les uns envers les autres, mais aussi chaleureux et accueillants envers les étrangers. Par exemple, ils seront toujours disposés à discuter et à partager leurs connaissances sur la culture, les traditions locales. Aussi, les Sénégalais aiment avoir des amis et ils sont très ouverts. Cette belle photo exprime les valeurs de cette belle société. Merci pour votre attention.